بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui nous rentrons dans le 16e hadith. الحديث السابع. نعم. Qui est النصيحة. الدين النصيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد بن عباد المكي حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le hadith rapporté par Muslim qu'il dit que selon Tamim al-Dari radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le din, la religion, c'est le nasiha. Nous avons dit pour qui? Il dit pour Allah et pour son livre et pour son messager et pour les gouverneurs ainsi que pour l'ensemble des muslimines, gens de la masse. Attendez, avant de commencer, il faut savoir une chose. Que veut dire al-nasiha? Car al-nasiha, nous avons tendance à voir dans les traductions par-ci par-là qu'elle est traduite par le mot conseil. Hein, le mot conseil. Et en réalité, celui qui médite sur le sens de ce mot et par rapport à l'explication du hadith qui va suivre, il se rendra compte que le mot conseil n'est pas approprié dans tous les sens du terme. Hein, des fois, le mot conseil ne convient pas. Il n'est pas assez large. Surtout en ce qui concerne Allah, son livre et son messager. Le mot conseil, je dirais même, n'est pas du tout approprié. Donc de là, nous allons lire la définition donnée par l'imam Ibn Athir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Nihaya, qui est un livre où il explique tous les mots, on va dire, qui peuvent paraître étranges ou au sens compliqué dans les hadiths, il vient et il les explique. Il éclaircit ce qui est autour de ces mots-là. Cet imam, Ibn Athir, était un imam dans la langue arabe. Cependant, il a été, comme beaucoup d'autres, touché par les ambiguïtés qui touchent à l'interprétation des sifat, des attributs. Il avait un penchant Ash'ali. Donc sur ce côté-là, comme l'imam Nawawi ou comme l'imam Ibn Hajar, il faut prendre garde. Cependant, il reste quand même une référence dans son domaine. Donc il dit dans son livre, par rapport au mot Nusf, qui est le Nun, le Sod et le Ha, d'où vient le mot Nasiha. Donc lui vient pour expliquer le Nusf, parce que des fois on entend Nasiha, et des fois on entend Nusf. Et les deux viennent pour le même terme, pour le même sens. Il dit, Inna dina Nasiha lillah, wa li rasulihi, wa li kitabihi, wa li aimmatil muslimin, wa amatihim. Al-Nasiha kalimatun يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر بهذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها وأصل النص في اللغة الخلوص يقال نصحته ونصحت له. Donc il dit quoi par rapport au hadith que le mot nasiha c'est un mot qui a le sens d'une phrase entière. Et quel est-il? Le fait de vouloir le bien pour celui à qui est prodigué cette nasiha. Je n'ai pas envie de traduire par le mot conseil, car le mot conseil est restreint et limité et n'englobe pas le sens réel, voulu. Donc je reste sur le mot nasiha en arabe. El mansour, c'est celui qui reçoit la nasiha. Pour qui elle est faite? Le mansour, c'est ism maf'oul. Pour ceux qui ont un peu étudié la langue arabe, ils savent ce que c'est. Nasih, c'est ism fa'il, c'est celui qui commet l'action. El mansour, c'est ism maf'oul, celui sur qui l'action se fait. Donc il a dit, et il n'est pas possible de pouvoir expliquer cette phrase qui est, on avait dit, iradatul khayl lil mansour, le fait de vouloir le bien pour le mansour, il n'est pas possible de venir avec une phrase, ou du moins de venir avec un mot seul pour expliquer cette phrase, si ce n'est avec le mot nasiha. Le mot nasiha, lui tout seul, va dire cette phrase-là, et il n'y a pas un autre mot que lui qui puisse, il y a un autre mot tout seul qui puisse englober ce sens. Et il dit également l'origine du mot nusr, qui est le nun, le sod et le ha, nusr, en langue c'est el khulus, qui a le sens de pureté, hein, qui a le sens de pureté, intégralité et sincérité également. Quand tu dis nasartuhu, c'est le sens que tu as été véridique envers une personne. Avec ton conseil, par exemple, en lui donnant un conseil, ou par tes actes, en lui montrant clairement ce que tu as en toi, hein, en lui montrant la vérité. Donc, comme vous le voyez, le sens de nasiha va plus loin que le mot conseil. Car comme vous allez le voir, en nosh lillah, en nasiha lillah, Allah, tu ne conseilles pas Allah. Tu ne conseilles pas Allah. Hein, ni son messager, sallallahu alayhi wa sallam, surtout du fait qu'il n'est plus de ce monde actuellement. Et le Coran non plus, tu ne le conseilles pas. Donc, on voit que le mot conseil, hein, n'est pas forcément approprié dans tout le hadith. Et également, je voudrais citer la parole qu'a cité le Cheikh Fawzan, al-Hafizahullah ta'ala, par rapport à al-Nasiha. Il dit également, al-Khulus, yuqal, shi'un nasihun, ya'ni khalisun min al-rish. Yuqal, rasalun nasih, wa labadun nasih, ya'ni khalisun min al-rish, wa l'ikhtilat radi'a. Donc, il dit que Nasiha, c'est aussi le sens Khulus, comme nous l'avons dit, qui veut dire le mot pureté, hein, entier, complet, ainsi de suite. Il dit par exemple, chez une nasir, une chose qui est nasir, c'est une chose qui est pure, hein, qui est démunie de toute tromperie, d'escroquerie, de tout mélange. Par exemple, il dit, asalun nasirun, c'est un miel qui est pur, qui n'a pas été mélangé. Labanun nasirun, c'est un lait qui est pur, qui n'a pas été mélangé. Il n'y a rien qui s'y est infiltré, qu'il est dans sa nature première. Donc on voit également là que le mot conseil, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément approprié. Donc là nous allons commencer avec le char du shir, où il dit, shir Yahya, hafizallahu ta'ala, qawluhu ad-dinu nasiha. Donc la religion, c'est nasiha. Comme je vous l'ai dit, je vais éviter de traduire par conseil. Jarala ad-dinu huwa nasiha, kama al-hajj huwa arafa. Donc il a fait que la religion, c'est nasiha, tout comme le hajj, c'est arafa. Lakin, هذا أبلغ وأشمل من قوله الحج وعرفة. Et que cela par contre est plus général et plus éloquent que le fait de dire الحج عرفة. Vous connaissez le hadith qui dit الحج عرفة. Que le حج c'est عرفة. Le قيام عرفة. الذي لا يقف عرفة بعرفة في يوم عرفة أو قبل الفجر يوم النحر لا حج له يذهب عليه حج. Donc il dit celui qui ne fait pas la station de عرفة pendant le حج, son حج باطل. Il est invalide. Le Hajj, ce n'est pas que Arafah, mais le point principal du Hajj, c'est le Arafah. C'est un pilier du Hajj. Celui qui ne le fait pas, son Hajj n'est pas valide. Bien qu'il y ait d'autres rites également qui ne sont pas faits, le Hajj n'est pas valide. Mais là, c'est pour en titre d'exemple. Donc de là, il dit, pour comparer à cela, « Amma alladhi la nasihata indahu al-batta li shay'in min » Donc il dit, celui qui n'a pas de nasiha, aucunement, hein, et ben lui n'a pas de religion non plus. Donc là, attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là le terme ce n'est pas conseil. Quand on va dire quoi, celui qui n'a pas de conseil c'est un kafir, il n'a pas de religion? Non. Attention à ça. Là c'est celui qui n'a pas de pureté, qui n'a pas de sincérité, qui n'a pas d'intégralité dans sa religion. Du tout. Donc yadhabu al-din, fallazi ma yansah. مَنْسَحُ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِهِ وَيَمُوتُ وَمُشْرِكُونَ شِرْكًا أَكْبَرْ مِنْ أَيْنَ لَهُ الدِّينَ. Donc il dit, celui qui n'a pas de nasiha pour Allah, c'est-à-dire qui n'est pas intègre, fidèle, sincère pour Allah, par son tawhid, et qu'il meurt alors qu'il est mushrik, hein, du shirk akbar, du shirk majeur, du plus grand shirk, alors quelle religion a-t-il? قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Que certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, cependant, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. مِنْ أَنْصَارٍ. Et que celui qui associe Allah, certes, Allah lui aura rendu interdit le paradis, et que son refuge sera le feu, et que les injustes n'ont pas de secoureur. Hein? Ni secoureur pour les injustes. Également, Cheikh Fawzan, il le dit. Par rapport à al-Nasiha, il le dit à la fin de l'explication du hadith dans son livre, il dit al-Nasiha, falihadha qala ad-dinu nasiha, fallazi laysa 'indahu nasiha abadan laysa 'indahu din, wa in kana 'indahu naqsun fil nasiha sara 'indahu naqsun fid din. فالدين يكمل وينقص ويزول بسبب عدم النصيحة أو نقصانها. Donc chaque fois, il dit pareil. Que celui qui n'a pas de nasiha, hein, il n'a pas de religion. Et qui s'est mis sa nasiha, elle est réduite, alors ça veut dire que sa religion elle-même sera réduite. Et que le din de la personne ne se complète ou ne se réduit ou peut disparaître à cause de l'absence de nasiha ou de sa réduction. Donc on dit, il dit pareil, cher Fouzen. Donc attention, comme on dit, donc à ce moment-là, on ne peut pas traduire le mot nasiha par conseil. Ce n'est pas possible. Donc cher Yahya poursuit en disant Qoulhu Kulna liman, ya Rasulallah. Donc pour qui, ô Rasulallah, messager d'Allah? Istifham, question. Fihi an talib iz ashkala alayhi shay'un yas'al. Donc cela prouve que celui, pour le talib, s'il y a une chose, lui pose problème, il questionne, il interroge. Wa fi tafsir al mushkilat wa bayan al mughdilat liyattadih ad-din lin-nas. Donc cela montre qu'il faut éclaircir les problèmes afin que la religion soit éclaircie ou clarifiée pour les gens. والنصيحة لله عز وجل بالإخلاص له سبحانه وبإقامة توحيده ودعوة إلى توحيده بامتثال أمره واجتناب نهيه وما أرسل الله رسولا ولا بعث نبيا إلا يدعو إلى النصيحة لله. Donc il dit que la nasiha pour Allah عز وجل c'est la sincérité, l'ikhlas, et le fait d'établir son tawhid, son unicité, de faire da'wa et de se tenir à son ordre et d'éviter ses interdits. Et que Allah n'a pas envoyé un messager ni de prophète sans qu'il n'appelle à la nasiha pour Allah, c'est-à-dire l'ikhlas pour Allah. Et je vous prodigue la nasiha. Donc on voit que les prophètes ont été envoyés et tous ont établi le fait de faire la nasiha. Dans le sens plus large que celui que nous avons vu ou que nous avons l'habitude de voir dans les livres, qui est le conseil. Et il dit Subhana wa ana lakum nasihun amin. أنصح الناس وأنصح الناس للناس هم الأنبياء، أنبياء الله وأهل العلم. Donc dans le sens relatif rapproché, il dit, je suis certes une personne qui vous prodigue le nasiha. Et les gens qui font le plus de nasiha pour les gens sont les prophètes et les gens de science. الأنبياء أو ما يتركون به أسماء قومهم الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله ولا يشركوا به شيئا. Donc la première chose que les prophètes font entendre à leur peuple, c'est la dawa à Allah, hein, au tawhid, et à son adoration, et qu'ils ne lui associent rien du tout. قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Que nous avons fait, certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et évitez et donnez-vous du tawhid. Donc là on voit que les messagers, le fait d'appeler à Allah et de dire aux gens de s'éloigner du tawhid, cela est une nasiha pour Allah. Hein? Pour Allah. فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ يَعْبُدُ غَيْلَ اللَّهِ مِنْ دُعَاءِ أَوْ خَوْفٍ أَوْ نَظْرِ إِلَى آخِلِهِ مِنْ عِبَادَةٍ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ كَمَثَلْ رَجُلْ اِشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ دَا هَذَا دَارِي وَهَذَا مَالِي اِعْمَلْ أَيْ مَالِي وَدِّي إِلَى دَارِي فَذَهَبَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ دَارِهِ. Donc il dit l'exemple de celui qui adore autre que Allah, comme par le fait d'invoquer autre que lui, ou d'avoir peur, la peur à légiférer pour autre que lui, ou de faire des vœux pour autre que lui, et ainsi de suite, parmi les adorations qui ne reviennent que à Allah, cela est comparable à un homme qui aurait acheté un serviteur avec son argent, avec un capital pur, hein, un capital pur, et qu'il aurait dit à ce serviteur, voici ma maison, et voici mes biens, donc fructifie mes biens afin qu'ils reviennent dans ma demeure. Et ce serviteur irait prendre cet argent, le ferait fructifier et remettrait les bénéfices autre part que dans la maison de son maître. Est-ce que cela est juste et équitable? Non. Cela revient justement au serviteur d'Allah qui fait du shirk. Comme le prouve le hadith, le shirk c'est un hadith confirmant sa parole, rapporté par Al-Harith Al-Ash'ari, qui est un hadith long, qui est cité dans Sahih al-Musnad, le livre de Cheikh Mughbir, rahimahullah ta'ala, qui était authentifié, où il dit Inna Nabi Allah qal, Inna Allah Azza wa Jal amara Yahya an Yahya ibn Zakariya alayhi as-salam bi khams kalimat an ya'mal bihinna wa an yamura bani Israil wa an ya'malu bihinna wa kada an yubti'a. Fa qala lahu Isa innaka qad umirta bi khams kalimat an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israil an ya'malu bihinna. فَإِمَّا أَن تُبَلِّغَنَّهُ وإما أن تبالغ تبالغهن وإما أن تبالغهن. فقال يا أخي إني أخشى أن إن سبقتني أن أعذب أو يسخف بي قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص مالي بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيدي فأيكم أسره أن يكون عبده كذلك. Donc le hadith il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal a ordonné à Yahya, fils de Zakaria, sur de salam, cinq paroles, cinq choses, et qu'il les applique, et qu'il ordonne Bani Israël, les fils d'Israël, de les appliquer également. Donc Yahya a pris du temps avant d'agir, hein, d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui transmette ses paroles. Alors Isa alayhi salam lui a dit, il t'a été ordonné cinq choses, cinq paroles, que tu les appliques et que tu ordonnes aux fils d'Israël de les appliquer également. Alors soit tu les retransmets, ou soit je le fais moi. Alors Yahya il dit, oh mon frère, je crains que si jamais tu m'y devances, que je ne sois châtié ou que je ne sois englouti. Alors, il rassembla, Yahya, c'est-à-dire Yahya, rassembla les fils d'Israël au Masjid Beit el-Maqdis, Masjid qui est en Palestine, qui est bien connu. Vous voyez, Al-Masjid el-Aqsa, Al-Masjid el-Aqsa. Et le Masjid fut rempli. Alors il s'assit en hauteur, un lieu haut, élevé. Il fit l'éloge d'Allah et son éloge. Et il dit, que certes Allah m'a ordonné cinq choses, que je les applique et que je vous ordonne de les appliquer également. La première, c'est que vous adoriez Allah et que vous ne lui associez rien. Et que l'exemple de celui qui associe Allah, hein, c'est comme, plutôt il dit, que certes l'exemple de cela est comparable à une personne qui aurait acheté un serviteur avec son argent pur, hein, d'argent halal, son argent pur, non mélangé, soit par monnaie ou soit par de l'or, et que ce serviteur se mettrait à faire fructifier les biens de son seigneur, ou de son maître plutôt, hein, et de ramener les bénéfices à autre que lui. C'est-à-dire l'esclave fait fructifier les biens de son maître, mais n'apporte pas les bénéfices à son maître, lui, les rapporte à autre que lui. Qui donc parmi vous se réjouirait d'avoir un serviteur tel que celui-là? Ash-Shaykh Yahya reprend disant, هذا من النصيحة وذلك العبد أو الرقيق أو المولى ما نصح للسيد. Donc il dit, cela est de la nasiha, hein, que le serviteur remette les biens fructifiés de son maître, hein, à qui revient le droit, c'est-à-dire à son maître. Donc cet esclave ou ce serviteur ou ce domestique qui agit de la sorte, qui n'a pas remis l'argent à son maître, n'a pas fait de nasiha, hein, n'a pas fait de nasiha pour son maître. Donc là, nous réapparaît le sens du mot nasiha. Ce n'est pas conseil. Hein, ce n'est pas conseil. وَهَذَا الْمُشْرِكُ أَيْضًا مَا نَصَحَ لِلَّهِ بَلْ هَذَا يُعْتَبَرُ مِنْهُ ظُلْمًا وَعَظِيمًا أَكْبَرَ الظُّلْمِ. Donc le mushrik, hein, l'associateur, également n'a pas fait de nasiha pour Allah. Et cela est plutôt considéré comme étant une injustice. Une grande injustice. La plus grande injustice. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul إن الشرك لظلم عظيم. Que certes le shirk est une grande injustice, une immense injustice. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أو إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون. Que ceux qui ont cru et qui n'ont pas souillé, on va dire, leur foi par de l'injustice, c'est-à-dire le shirk, eux auront la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. Non. Pour faire comprendre que le zulm, hein, le zulm akbar, c'est le shirk. La grande injustice, c'est le shirk. Al-maqsoud bil ladhina zalamu fi hadhihi al-ayat alladhina kafaru wa ashraku. Ulaika kuffar alladhina mattabu ar-rusul wa ma jabu da'wat Allah. Donc ceux-là, comme nous avons dit, ce sont eux les mécréants, les mushrikoun, hein, et qu'eux n'ont pas suivi les messagers et qui n'ont pas répondu à l'appel d'Allah. فالنصيحة لله بإقامة أمره والبعد عما نهى الله عنه بإقامة توحيده والدعوة إلى ذلك. Donc la nasiha pour Allah, c'est le fait d'établir son ordre, hein, et de s'éloigner de ce qu'il a interdit, et d'émettre le tawhid et d'y appeler. ثم النصيحة لكتاب الله, la nasiha pour le livre d'Allah, pour le Coran. تدبر آيات الله ومحبة كتاب الله والعمل به والدعوة إليه والجد والاجتهاد أيضا في حفظه. هذا من النصيحة. أن تسعى في حفظ كتاب الله عمل علما وعملا ودعوة وتدبرا. Donc il dit, la nasiha pour le livre d'Allah, c'est le fait de méditer sur les versets d'Allah, d'aimer ce livre, de l'appliquer et d'y appeler, et le sérieux, hein, dans le fait de le mémoriser. Cela est la nasiha pour le livre d'Allah. Et également, d'en tirer la science, hein, et de le d'œuvrer en fonction de ce livre, dans la darwa, et dans la réflexion de ses sens. وَكَنَا خُلُوكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ الْقُرْآنِ. Et que le comportement du messager d'Allah, صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ, c'était le Coran. Hein. Tout ce qu'il faisait, c'était l'application du Coran. وَقَالَ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dans le sens, ne méditent-ils pas sur le Coran, ou alors ils ont des... Ah oui, j'ai oublié un verset à fin. J'ai sauté un verset. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Donc, ne méditent-ils pas sur le Coran, ou alors ils ont des cadenas sur leur cœur. Et également, il dit dans le sens, ne méditent-ils pas sur le Coran, et que s'ils venaient d'autres que Allah, ils y auraient certes trouvé nombreuses contradictions et divergences. فيجب على كل مسلم أن ينصح للدين الله نصيحة على ما جاء به الدليل وكل بحسبه من علم وعمل وتدبر وإخلاص لله سبحانه وتعالى وغشيت عند قراءته حتى تحسين الصوت يعتبر من نصيحة لكتاب الله يعتبر من النصيحة لكتاب الله. Donc il dit, il est obligatoire à chaque musulman qui veut conseiller. Là, il écrit l'idinillah, mais en fait, c'est l'ikitabillah. Je pense qu'il y a dû avoir une erreur. Il veut dire l'ikitabillah. Qui veut faire la nasiha, hein, je m'excuse, des fois, je dis conseil par habitude, hein, mais en fait, c'est pas le mot qui convient. De toute façon, cela sera enlevé, inch'Allah, dans l'audio. Donc, des fois, si jamais je dis conseil, c'est vraiment par ma langue m'a devancé. Mais le terme que je voulais dire, c'est nasiha, en soi. Mais le mot conseil ne convient pas là non plus. Donc, il dit que celui qui veut faire nasiha, hein, au livre d'Allah, c'est qu'il l'applique, il agit avec les preuves, hein, il suit les preuves. Et chacun en mesure de sa science, et de ses œuvres, et de sa méditation, et de sa sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ait de l'humilité lors de la lecture, jusqu'au fait d'embellir la voix. Cela, le fait d'embellir sa voix en lisant le Coran, cela fait partie de la nasiha pour le livre d'Allah. Hein, cela fait partie de la nasiha pour le livre d'Allah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Embellissez le Qur'an par vos voix. Wa qala, celui qui n'embellit pas sa voix, hein, avec le Qur'an, en lisant le Qur'an, ne fait pas partie de nous. Wa law hasanta sawtaka min ajli an tutkhila ala an-nasi al-rughbah fi hadha al-kitab al-mubarak, lakana hadha min a'zam al-da'wati ila Allah wa ila kitabihi. Et le fait que tu embellisses ta voix afin de rentrer l'envie dans le cœur des gens, hein, qu'ils aient envie de ce livre, béni, al-mubarak, cela fait partie des plus grands moyens de da'wa vers Allah et vers son livre. Wal talghibu fi. Et le fait d'y convier les gens vers ce livre, d'appeler les gens vers ce livre. Wal tadabbur li hadha al-kitab qira'at al-Qur'an wa tahsin as-sawti yu'tabaru min anjah al-ilajat lil-qulub. Et que le fait de méditer le livre d'Allah, hein, et de lire avec une belle voix, cela fait partie des remèdes les plus fructifs, on dira comme ça, je sais pas si ça se dit, les plus avantageux pour les cœurs, hein, les choses qui sont les meilleurs remèdes pour les cœurs. Jubayr ibn Mut'am, ou le hadith Thabit, fils Sahih, Samia al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yakra ayat min al-Tur, surat al-Tur. Am khulikum min ghayli shayn, am humul khalikoun. Faqala, wallahi, in kada kalbi liyatir min bayna janibi, ou janibi. Wa kana sabab islamihi ayah. Donc il dit, Jubayr ibn Mut'am, que le hadith est authentique, que lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire un verset de Surat al-Tur, dans le sens où il dit, ont-ils été créés de, à partir de rien, du néant, ou sont-ils eux les créateurs? Donc il dit, Jubayr, wallahi, lorsque j'ai entendu ce verset, mon cœur a failli sortir de mes flancs. Hein, sortir de moi. Tellement cela a été fort, l'effet. Donc la cause de son islam, ça a été un verset. Le fait qu'il entende un verset était la cause de son islam. وَالْمُشْرِكُونَ عَذُوا أَبَا بَكْرَ أَشَدَ الْأَذَى لَمَّا كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ. Et que les mouchriquins se sont pris à Abu Bakr, radiallahu anhu, de façon virulente, hein, lorsqu'il restait le Coran à voix haute. لِيَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا عَرَفُوا أَنَّهُ كَلَمُ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِالشِّعْرِ وَلَا السِّحْرِ وَأَثَرَ فِيهِمْ. Car ils savaient que, lorsqu'ils l'ont entendu, ils ont su, hein, ils ont la certitude qu'il s'agissait de la parole d'Allah et que cela n'était pas de la poésie ni de la sorcellerie et que cela a eu une influence sur eux. فَالنَّصِيحَ لِكِتَابِ اللَّهِ عِلْمٌ وَتَدَبُّرٌ وَتَفْسِيرٌ لِبَيَانِ مَعَانِهِ وَأَذْكَرُ كَلِمَاتٍ. Donc il dit la nasiha pour le livre d'Allah, c'est la science et la méditation et l'explication pour éclaircir les sens des versets. Hein, éclaircir le sens des versets. Et là, il se rappelle, le shir dit, « وَأَذْكُرْ كَلِمَاتًا لِحَفِظ ibn Hajar يقول حُجَّتُنَا مِنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ نَكُمْ بِتَفْسِيرْ كَلَامِ اللَّهِ. » Là, je crois qu'il y a un manque dans la parole. « فِي مُقَدِّمَةْ تَفْسِيرْ ibn Kathir نُقِلَ عَنْ جُمُورْ أَنَّ بَيَنْ كَلَامِ اللَّهِ وَتَفْسِيرْ آيَاتِ اللَّهِ يُعْتَبَرُ وَاجِبًا إِذْ أَنَّ اللَّهَ ذَمَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ الذي أخذ عليهم الميثاق أن يبينه فما بينه. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Qu'il a été rapporté de l'ensemble des gens de science dans le tafsir d'Ibn Kathir que le fait d'éclaircir, de clarifier la parole d'Allah et de ses versets est une obligation. Car Allah certes a blâmé ceux sur qui il a pris le pacte qu'ils éclaircissent et qu'ils ne l'ont pas fait. Il dit dans le sens que lorsque Allah a pris son pacte avec ceux qui ont lu le livre, qu'ils l'éclaircissent aux gens et qu'ils ne le dissimulent pas. Alors ils le laissèrent derrière leur dos et l'achetèrent à vil prix et quelle mauvaise chose qu'ils achetèrent. Donc de là on voit que celui qui a une science et qui la dissimule, hein, et qui la vend à vil prix, cela l'emmène à quoi? À avoir un blâme. Et qu'il est obligatoire d'éclaircir le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont la capacité de le faire. Qawluhu wa li rasulihi, et pour son messager, c'est-à-dire nasiha pour son messager. Wallahi inna nasihata li rasulihi sidq al-ittiba' lah. Donc, le fait de faire nasiha pour son messager, c'est la véracité dans son suivi. Et que beaucoup de gens ont été négligents dans cela. Il dit, قَالَ تَعَلَى وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Que ce que le messager d'Allah vous a apporté, alors prenez-le. Et ce qui vous a interdit, alors délaissez-le. وَقَالَ تَعَلَى قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dans le sens, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et que si jamais vous vous détournez, alors juste, il n'assumera ce dont il a été chargé et que vous n'endosserez que ce dont vous avez été chargé. Hein? Que le messager, lui, n'assumera que selon il a été chargé, la retransmission. Et que vous, vous n'endosserez que ce dont vous avez été chargé, c'est-à-dire l'obéissance. Et que si jamais vous lui obéissez, vous serez guidé. Et qu'il n'a comme messager que la retransmission claire du message. وثبت من حديث العرباض بن سارية قال عليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين ردوا عليها بالنواجذ وإياكم موضحة الأمور. Qu'il est dit, accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à celle des califes bien guidés. Et mordez-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles. Et prenez garde aux choses nouvelles. فالقرآن والسنة آمان من الفتن وآمان من الضلال. Et que la sunna, hein, le Coran plutôt et la sunna, sont une sécurité, une préservation des troubles, des fitan et des égarements. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et que celui qui se détourne, de mon rappel, alors il aura certes une vie étroite, hein, et que nous le jour du jugement, il sera rendu à la vie tout en étant aveugle. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu la yadillu fi dunya wa la yadillu fi dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Que celui qui suit, c'est-à-dire le rappel d'Allah, qu'il ne sera pas égaré en ce bas monde et ne sera pas malheureux, il ne sera pas malheureux le jour du jugement dans l'au-delà. Donc le shir dit laysa mujarrad iqamat al-mawalid wa la ihtifal bil isra wa la al-mi'raj ولا تلك الخرافات وتلك البدع التي لم يفعلها ولم يرضاها ولا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم ما هذا هو التعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا من الإساءة إليه بتلويث هديه الشريف بهذه الضلالة. Donc que le fait, hein, de faire son anniversaire, de célébrer le voyage nocturne, ainsi que la montée aux cieux, et tous ces mythes, et toutes ces bidars, ces innovations, qu'il n'a pas fait, et qu'il n'a pas agréé, et qu'aucun de ses compagnons n'ont fait, cela ne fait pas partie de sa glorification, de son respect. Plutôt cela est une offense envers lui, une atteinte envers lui, et une souillure de sa guidée, de sa noble guidée, par ces égarements-là. Donc quand des gens te font ces choses-là et disent « Moi, j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam », cela est un mensonge ou une ignorance de sa part. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait. Vas-tu faire une chose que lui n'a pas fait, prétendant que tu l'aimes ? Hein ? « Wa fa in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. » Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. « Innama al-ta'zimu la hubbu. Wal-nifah anhu. Wan-hadih. Wa ta'atu mutlaqan. Wa imtithal awamiri. » وسلوك طريقتي حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. Donc le respect à lui apporter n'est que dans le fait de le défendre, de défendre sa guidée, de la préserver, de l'obéir dans l'absolu, de se tenir à ses ordres, hein, et de suivre sa voie, qu'il soit vivant ou mort, عليه الصلاة والسلام. ففي حياته كما هو معلوم وبعد موته اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. Donc c'est-à-dire lors de son vivant ou après sa mort, la vérité, c'est de suivre sa sunna. فَهَذَا وَالنُّصْ لِرَسُولِ تَوْعَتُهُ فِي مَا أَمَرَهُ وَتَصْدِقُهُ فِي مَا أَخْبَرَهُ وَاجْتِنَبْ مَا نَهَا عَنُهُ وَزَجَرَ. Donc la vérité, la nasiha, hein, envers le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son obéissance dans ce qu'il a ordonné, et le fait de croire en ce qu'il a informé, et de s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimandé. هَذَا يَقُولُن هَكَذَا يَقُولُن وفرق بين ما نهى عنه ويكون النهي نهي كراهة وبين كلمة زجر لأنها تكون للتحريم. Donc il y a une différence entre le fait de dire ce qu'il a interdit et ce qu'il a réprimandé. Car le fait de ce qu'il a interdit, cela peut être une interdiction de karaha, une chose, c'est-à-dire détestable. C'est pas interdit dans le sens que tu as commis un péché. Comme par exemple le fait de boire debout. Il l'a interdit, cependant ce qui boit debout n'a pas commis de péché. Et la différence entre ce qu'il a réprimandé. Ce qu'il a réprimandé, cela amène à quoi ? Implique justement l'interdiction qui, elle, hein, engendre le péché pour celui qui commet. Tayyib. Fatawat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la yabtasi al waqt wa zikr al adillah ala wujubiha wa fadliha wa fadl ahliha. Wa fitnat mukhalif Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, shakawati wa bu'di وما يحصل له من الأضرار وما يحك به من المخاوف والأخضار أو الأخطار عفوا في الدنيا والآخرة والأخطار في الدنيا والآخرة. ونسأل الله العافية من الفتن ونبتبل ونسأله أن يتوفانا مسلمين طائعين مناقدين. Donc il dit qu'il n'a pas le temps de pour citer toutes les preuves quant au mérite de son suivi ou au danger encouru de la transgression de son ordre, hein, de la transgression de son ordre et des nuisances que cela engendre et de la peur que l'on a pour celui qui tomberait là-dedans, du péril qu'il encourt en ce bas monde et dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah qu'il nous prémunisse des fitnes et nous revenons à lui, nous le demandons, nous l'implorons qu'il nous fasse mourir musulmans, obéissants, hein, et soumis. Et là, j'aimerais citer une parole de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, où il dit, il cite une parole d'Al-Mirwazi, où il dit, par rapport à Nasiha des Rasoul, il dit, Amma ba'd wafatihi, c'est-à-dire par rapport à, après sa mort, c'est quoi Al-Nasiha des Rasoul? Qu'est-ce que cela veut dire? Al-Inaya bitarab sunnatih, wal-bahth an akhlaqihi wa adabi, wa adabi, wa ta'zim amrihi, wa luzum al-qiyam bih, wal-igrad amman tadayyina bi khilaf sunnatih. والغضب على من ضيعها لأثرت الدنيا وإن كان متدينا بها وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو سحر أو حجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على إسلام والتشبه به في زيه ولباسه. دونك المروزي يدي que la nasiha pour le messager, après sa mort, c'est le fait d'être soucieux dans le suivi de sa sunna, de rechercher ce comportement, c'est-à-dire de suivre le comportement des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, de glorifier son ordre, de se tenir et de s'y tenir, d'être dur, hein, c'est-à-dire de ressentir de la colère et de se détourner de ceux qui auront enfreint son ordre, de ceux qui auront transgressé sa sunna. Et de ceux qui l'auront perdu pour les biens de ce bas monde. Et d'aimer, contrairement à cela, d'aimer ceux qui se sont suivis sur ce sentier, hein, parmi ses proches. C'est-à-dire là, il fait allusion à qui? Il fait allusion aux Sahaba. Parmi ceux qui ont été proches au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, ne serait-ce qu'une heure dans la journée ou dans la nuit, et qui sont morts dessus, et qui ont fait la hijra avec lui, qui lui ressemblent, qui cherchent à lui ressembler, dans son accoutrement et son apparence. Donc, parmi les nasiha pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aimer ceux qui étaient avec lui et de détester et de se détourner de ceux qui ont offert son ordre et qui auront tenté de faire perdre sa sunna. Ensuite, il dit Qoluhu li aimmatil muslimin. Maintenant, la nasiha pour les gouverneurs. Mahabbat al khayl lahum wa mahabbat baqa' al mulkihim madamu بقاء ملكهم ما داموا من أئمة المسلمين والدعاء لهم بالتوفيق من عقيدة أهل السنة. Donc le fait d'aimer le bien pour eux, d'aimer qu'ils demeurent sur leur royaume tant qu'ils sont des imams des musulmans, hein, des gouverneurs des musulmans, et de faire des doras pour eux, de faire le doa que Allah leur accorde le tawfiq, et cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. وعدم الخروج عليهم وعدم الثورات والانقلابات عليهم, et qu'il ne faut pas sortir sur eux ni se révolter contre eux. Et le fait là, de les conseiller, là le mot nos, il revient au sens conseil, réellement, de les conseiller dans ce qui sont comme des obéissances, comme péché. Et cela, le shir, il jure par Allah que cela est parmi les plus grandes causes d'entraide avec eux, pour qu'ils se réforment, hein, pour que ces gouverneurs se réforment ainsi que leur peuple et que leur royauté perdure, demeure. Nous ne blâmons les élections ainsi que la démocratie, ce n'est du fait qu'elles provoquent ce qu'elles provoquent et ce qu'elles portent atteinte, hein, aux gouverneurs, à leur, on va dire, leur autorité, hein, ce qu'elles portent atteinte également à la religion et à la dunya. Et qu'également, les élections sont une forme de tentative de destituer les gouverneurs de leur pouvoir. Car lorsque l'on vote, on fait des élections, cela mène à quoi ? À changer de gouverneur. Donc cela renferme quoi ? Une sortie sur lui. Demain, il y a un gouverneur parmi les gouverneurs des musulmans. Demain, il y a des élections, des nouveaux se présentent. Des gens votent pour le nouveau. Cela implique quoi ? Qu'ils veulent sortir celui-là et en mettre un nouveau à sa place. Donc les tirabat, les élections, sont à khuruj sur le hukam, comme beaucoup de savants l'ont dit également. Également, al-qatl, wal-qital, wa-zaza'at al-aman, wa-diya al-awqat, wal-amwal, wal-khida', wal-kazib, wal-tazwir, wa-shahadat al-zur. Également, ce que là implique comme meurtre, et comme combat, et comme chamboulement de la sécurité, et comme perte de temps et d'argent, et de tromperie, et de mensonges, et de faux témoignages, hein, de faux témoignages de paroles mensongères. Tout cela est inclus dans les élections. Car ceux qui appellent à voter mentent. Et se mettent en avant, disent des choses sur eux-mêmes qui ne sont pas vraies. Comme le chef va le citer à la suite, il dit Watazaki al-fajira an ghayl ahliha. Le fait de recommander des gens qui ne méritent pas. Car pour voter quelqu'un, il faut le vanter. Un tel va faire ceci, un tel va faire cela pour le peuple, ainsi de suite. Et c'est un mensonge. Il ne va rien faire. Juste, il veut le pouvoir. Une fois qu'il aura le pouvoir, et il fera ce qu'il a envie de faire. وإلقاء العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين حتى بين الأخ وأخيه والأب وابنه والمرأة وزوجها والاعتماد على الأكثرية. Donc il dit également ce que cela provoque comme antipathie ou animosité et adversité, et que cela monte les musulmans les uns contre les autres, même entre le frère et son propre frère, le père et son fils, la femme et son mari, et que cela amène à se baser sur la majorité, hein, comme on dit la majorité. Que la majorité l'emporte, soi-disant. Même s'ils étaient les pires des gens, ceux pour qui on vote, hein, même si on est les pires des gens à partir du moment où la majorité a voté pour lui, alors il aura le pouvoir. Et les gens vont croire que la majorité l'emporte. En islam, cela n'existe pas. Donc tout cela, ce que cela provoque comme trouble et comme calamité, hein, et que cela chamboule la sécurité pour les gouverneurs ainsi que pour les gouvernés, et que cela provoque comme peur subite et continue, c'est-à-dire une peur qui vient soudainement et elle perdure par la suite. Comme on l'a vu par exemple après ces révolutions qui ont eu lieu dans les pays d'islam, cela provoque une grande peur chez les gens, hein, une grande peur chez les gens. Bien qu'un calme en apparence est là, cela est comme un volcan qui dort. Ce qui en découlera par la suite pourrait être pire. Regardez aujourd'hui, ils ont ouvert une porte très dangereuse. Aujourd'hui, le mal continue. Regardez en Égypte, regardez en Tunisie, regardez en Syrie ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Rien n'a été réglé. Et Allah nous suffit et quel bon garant. Qouluhu, pour finir, wali'amatihim, c'est-à-dire là, la nasiha pour les gouverner, pour la masse des gens de l'islam. Donc là, à ce moment-là, on peut utiliser le mot conseil pour nasiha. Là, le mot traduction conseil pour nasiha peut s'appliquer, contrairement à Allah et à son messager et à son livre. Amr al-amma bil ma'ruf wa nahim an al-munkar. Donc parmi le conseil pour les gens de l'islam, les gens de la masse, c'est le fait d'ordonner, hein, le convenable et d'interdire le blâmable. وتعليمهم كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et le fait de leur enseigner le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وإبعادهم عن البدع. Le fait de les éloigner des innovations. والشركيات. Et des actes d'association. والخلافات. Et des mythes. كل هذا من النصح لعامة المسلمين. Tout cela fait partie du conseil pour les gens de la masse parmi les musulmans. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Que aucun d'entre vous ne croira d'une foi ni n'aura une foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, hein, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. Hein, que le mu'min est pour le croyant est pour le croyant comme un édifice, hein, une bâtisse, qui se renforce l'un à l'autre. وأخرج الشيخان من حديث معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعي الله لعايته لم يكن بنصحه إليه ولم يجد رائحة الجنة. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah n'a pas confié une charge hein, à une personne et qu'il ne le prodigue pas le conseil sans qu'il ne sentira l'odeur du paradis. Du moins qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est-à-dire celui qui a des gens sous sa responsabilité et qui ne leur prodigue pas le conseil, celui-là ne sentira pas l'odeur du paradis. Wa fi sahihayn rawa Muslim an Abi Hurayra haqqu al-muslimi 'ala al-muslim khams. Wa dhakara minha idha sansahaka fansah lah. Donc il dit que parmi les hadiths dans le sahihayn selon Abu Hurayra ou plutôt rapporté par l'imam Muslim qu'il dit parmi le droit du musulman sur le musulman, yani les droits du musulman pour le musulman sont 5. Et parmi ces 5, il cita que s'il te demande le conseil, il te demande une nasiha, alors donne-lui. Hein? Donne-lui. Wa thabata fi sahih al-musnad li shaykh rahimahullah ta'ala man istasharahu akhuhu fa ashara alayhi bi ghayri rushd fa qad khanahu. Que celui qui demande des directives à son frère qui l'indique, qui le conseille et que celui-ci le fait, c'est-à-dire le conseil sans droiture, il aura ça trahi. C'est une trahison que d'indiquer à une personne ce qui n'est pas droit. Wa min hadith Jubair, thalatha la yaghillu alayhi alayhinna qalb imri'in muslimin. Ikhlas al-amal lillah wa al-munasihat ulil muslimin wa luzum al-jama'a. Là, ce hadith-là, il aurait dû être mis dans la partie des Nasihali ou l'Ilham. Le hadith-là, il n'est pas à sa place. Il a dû avoir un décalage dans le livre. Donc, Inch'Allah, on... comme je vous l'ai dit, je m'excuse, le livre, il a des erreurs d'édition. Des décalages, parfois. Mais là, ce hadith-là, il n'est pas à sa place. Khair, Inch'Allah. وقال وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنص لكل مسلم. Que nous avons porté allégeance ou prêté allégeance au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakah et de prodiguer le nus, la nasiha, le conseil pour tout musulman. نعم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تناصحوا من والاه الله امركم. Donc il dit que Allah vous a ordonné trois choses et vous a interdit trois choses. Il vous a ordonné de l'adorer et de ne rien lui associer hein, et d'apporter le nasiha pour celui à qui Allah aura donné l'autorité sur vous. Et là ce hadith là aussi il aurait dû être mis dans la partie nasiha li a'immat al-muslimin. Il n'est pas à sa place ici. وجد زيادة في طيب وجد زيادة هذه في مسند أحمد وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإدارة المال. Donc il y a un ajout dans le musnad de l'imam Ahmed de ce hadith où il dit également que vous vous accrochiez au hable d'Allah, c'est-à-dire à la roche d'Allah, tous ensemble. Que vous ne vous divisiez pas. Et vous interdit le qil wa qal, c'est le fait de parler pour rien, hein, de rapporter tout ce qui se dit. Qil wa qal, les paroles à tout va. Et de poser beaucoup de questions et la perte, hein, le gaspillage d'argent. Donc là également, on voit kathat as-su'al, également un conseil que l'on tourne vers beaucoup de gens qui multiplient et accumulent les questions à tout va. Trop de questions en religion, cela est une chose blâmable. Poser des questions profitables en situation où cela est demandé, où il y a un besoin. Mais poser des questions pour le fait de poser une question, cela est blâmable en religion. Donc, il faut minimiser les questions et ne les poser que dans leur contexte si besoin est. Tayyib, il dit Amrun matloub et tanasur, que le fait de s'échanger les nasiha est une chose désirée. La kawamul li aimati il est bitanasur, qu'on ne peut, on va dire, redresser ou réformer les gouverneurs si ce n'est par le conseil. Fal nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul mathal qa'im fi hududillahi wal waqi'a fiha ka mathal kum istahamu على سفينة. طيب على السفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم، على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من من فوقنا، فلو تركوهم ما أرادوا أهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. أخرج البخاري عن نعمان المشير. Donc il dit le Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'exemple de celui qui se tient aux limites d'Allah et celui qui les enfreint est à l'exemple de gens qui seraient sur un bateau. Une partie d'entre eux serait dans la partie supérieure et d'autres dans la partie inférieure. Et ceux qui sont en dessous, voyez, dès qu'ils ont besoin de s'abreuver, passent par ceux d'au-dessus. Donc, par crainte de les déranger, ils se disent, si nous ferions un trou dans la partie inférieure du bateau, nous pourrions de cette façon prendre à boire sans avoir à déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Donc si jamais ceux qui étaient au-dessus d'eux les laissaient faire, tous ils périraient du fait que le bateau coulerait. Tu fais un trou, tu perces le bateau par la coque, par en dessous, ce qui amènera à quoi? Ce qui va couler. Et qui est-ce qui va en subir les conséquences? Ceux d'en dessous et ceux au-dessus. Donc il revient à ceux au-dessus d'empêcher ceux d'en dessous d'agir de la sorte. Et ça revient au quoi? Au conseil. Hein? Au conseil du fait que tu leur ordonnes le convenable et tu leur as interdit le bas amable, ne serait-ce que par la main si tu le peux, ou par la langue si tu le peux, ou le minimum par ton cœur, comme cela viendra, inshallah, dans le hadith de Abi Saïd al-Khudri. Donc de là s'achève le char de Shaykh Yahya, hafizahullah ta'ala, sur ce hadith. Et je voulais rajouter une parole que Ibn Rajab a ramenée d'Al-Fudayl ibn Iyad, où il dit الحب أفضل من الخوف يعني في المخلوقات. أرى ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافه ويغشك إذا غبته ولنصحك. Il dit quoi? Que l'amour est meilleur que la peur. Là, on parle par rapport aux créatures. Hein? Car pour Allah, à la base, les deux sont égaux. Et l'un peut prédominer sur l'autre en fonction de la situation. Mais là, il parle par rapport à la créature. Qu'il est meilleur que quelqu'un t'aime plutôt qu'il ait peur de toi. Pourquoi? Il dit, ne vois-tu pas que si jamais tu avais deux serviteurs, l'un des deux t'aime et l'autre ne t'aime pas. Celui qui t'aime te fera le conseil, hein, te fera la nasiha, plutôt la nasiha, que tu sois présent ou absent par amour pour toi. Alors que celui qui a seulement peur de toi, lui ne te fera la nasiha que si tu es présent, par peur de toi. Alors que si tu n'es pas là, il se peut qu'il te trompe, car tu n'es pas là, donc il ne craindra pas ton mal. Donc de là, celui-là qui a peur de toi, il se peut qu'il ne te conseille pas en ton absence, juste parce qu'il a peur. Il le fera en ta présence. Donc là, c'est une bonne parole, pleine de sagesse. Et là-dessus, nous allons clôturer le ders en faisant un khulasa qui est que Ad-Din Nasiha. Ça y est, la religion, c'est Nasiha. Pour Allah, c'est le fait de se tenir à son ordre, hein, d'appliquer sa religion comme il se doit, hein, par le tawhid, par la da'wah, par l'obéissance. La Nasiha, pour son livre, c'est le fait de l'appliquer, d'y appeler, et de le lire correctement, de le méditer, et d'apprendre ses sens, et même de le mémoriser. Al-Nasiha li Rasoul, pour le messager, c'est le fait également de l'aimer, de lui obéir dans l'absolu, de suivre sa sunna, hein, et d'aimer ceux qui s'y tiennent, et de détester ceux qui s'en détournent. Et le conseil pour les gouverneurs, Al-Nasiha li Ulil Amr, c'est le fait de leur obéir, de ne pas sortir sur eux, et de leur apporter le conseil dans les erreurs qu'ils pourraient commettre, hein, et de leur obéir, comme nous l'avons dit. Et le conseil, on va dire, nasiha pour les gouverner, pour les gens de la masse parmi les muslimines, c'est le fait de leur interdire le blâmable et de leur donner le convenable, d'être sincère envers eux, de le diriger vers là où est le bien, de leur apprendre la religion et de les y appeler. فَبِهَدَ الْقَدْرِ نَكْتَفِي فَنَسْأَلَ اللَّهَ أَلْ يَنْفَعَنَا بِمَا كُلْنَا وَنَكُلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ